Sinless. Une brise ténue, tiède et douce sur mon visage. C'est la première chose dont j'ai conscience. Mon corps et mon cerveau sont dans une sorte de stase. Je me sens incapable de penser, encore moins de bouger. Le souffle qui m'effleure est léger, le rythme régulier. Puis vient une odeur, non, plutôt un parfum. La chape de plomb qui m'anesthésie se dissipe progressivement. Allongé sur le côté, encore incapable de bouger, je perçois confusément une présence. Quelqu'un est contre moi, face à moi et respire doucement. Puis, d'un seul coup, l'engourdissement de mon cerveau s'estompe. La bulle qui enveloppait ma conscience se déchire. Je n'ai pas encore ouvert les yeux, mais je reconnais l'odeur, celle de Nathalie. S'y ajoutent les fragrances inhabituelles que son souffle mène vers moi. Une odeur légère, c'est la sienne, si féminine, si douce, et puis une autre, un peu différente. Ce kaléidoscope de sensations olfactives s'assemble comme un puzzle. C'est bien l'odeur de Nathalie, celle de Nathalie après l'amour. Mais les autres fragrances ne sont pas les siennes. J'ouvre les yeux, péniblement. Les siens sont si proches. Je flotte dans l'azur de ses prunelles. J'ai du mal à articuler, ma langue est lourde. Bonjour Nat. L'azur s'éclaire de mille paillettes. Elle me regardait dormir, elle sourit. Bonjour John. Son doigt suit le contour de mes lèvres. Son pouvoir magique me redonne parole et mouvement. Je m'en redresse sur un coude. Ma langue, ma mémoire se réactivent. Nathalie est nue, allongée sur le côté face à moi. Je regarde par-dessus son épaule. Personne. Et Gabriel? Son doigt s'est déplacé sur ma joue puis va taquiner mon oreille. Elle s'ose vers moi, m'embrasse. Ses lèvres et sa langue ont un goût étrange, suave, mais étrange, inhabituel. Il est parti, il y a juste 10 minutes, hein. Il a promis de passer pour nous dire au revoir avant son départ pour Miami d'ici une petite heure. Je m'étire, puis la prends contre moi. Les souvenirs de cette nuit affluent, se bousculent. Tu es réveillé depuis longtemps. Un sourire, les yeux plissés, presque une heure. Sans trop réaliser, je réponds, tu aurais dû me réveiller. Le sourire s'accentue et les yeux se plissent davantage. Tu dormais si bien qu'il était impossible de te réveiller. Le déclic se fait dans mon esprit embrumé. Gabriel et elle sont réveillés depuis près d'une heure. Il est parti il y a 10 minutes. Quid des 50 minutes? Pardon? Son sourire chinois fait place à l'incompréhension. De quelles 50 minutes veux-tu parler? Je pointe un index interrogateur entre ses seins et ponctue chaque mot d'une légère pression sur sa poitrine. Des 50 longues minutes qui se sont écoulées entre votre réveil et le départ de Gabriel. J'ajoute, les sourcils froncés, faussant suspicieux, pendant que je dormais. Son visage s'illumine, ses yeux pétillent. C'est Gabriel qui s'est réveillé le premier. Oui, et alors? Eh bien... C'est que, comme il dormait contre moi, j'ai tout de suite senti qu'il était réveillé. Je fais semblant de ne pas comprendre, ce qui lui permet de continuer à me taquiner. Oui, et alors? Eh bien alors, je lui ai fait savoir que moi aussi j'étais réveillé. Comme il était dans mon dos, je ne le voyais pas. Mais j'ai très nettement senti qu'il avait capté mon message. Elle sait très bien ce qu'elle fait en jouant avec mes nerfs. En s'interrompant au plus chaud du récit, elle adore ça. Compte tenu des événements de la nuit, j'ai du mal à croire qu'il ait pu être en état de faire quoi que ce soit. Son rire est toujours aussi mélodieux et cristallin. Peut-être le sous-estimes-tu? Elle incline la tête sur le côté pour juger de l'effet produit par sa réplique. Je peux t'assurer qu'il était en excellent état. Il est à coup sûr guéri de sa phobie des femmes. La curiosité doit se lire sur mon visage. Elle précise. Je veux dire qu'après une telle nuit, son état avait été de quoi surprendre. J'étais prête et il aurait suffi d'un rien pour ouvrir les hostilités, mais il a d'abord voulu te réveiller. Questions, idées, images s'entrechoquent dans mon crâne, un seul mot franchit mes lèvres. Et? Et il n'y est pas parvenu. Pas plus que moi d'ailleurs. Tu dormais comme une souche. À part quelques grognements, aucune réaction. Donc, nous nous apprêtions à renoncer à cet échange matinal lorsque j'ai eu comme un flash. L'emploi de l'imparfait est comme un booster cérébral, je la fixe droit dans les yeux. Vous vous apprêtiez à renoncer, ce qui signifie en clair que vous n'avez pas renoncé et que ce flash y est pour quelque chose. À travers ses paupières mi-closes, elle soutient mon regard et son sourire en coin lève mon dernier doute. Tout juste, mais ce flash était bizarre. Un flash bizarre. Oui, comme une allégorie. Ça donc, un flash allégorique. Peux-tu m'expliquer ? Elle se mordit les lèvres, mais chez elle, ce n'est pas un signe d'embarras. C'est le même signe que lorsque nous jouons aux échecs et qu'elle a déjà gagné la partie. Eh bien, c'est un peu comme l'allégorie du plafond de la chapelle Sixtine. Sauf que le vieux monsieur qui pointe son doigt n'était pas Dieu, mais un dieu. Là, franchement, je commence à me demander si un orgasme de trop ne lui a pas court-circuité quelques neurones. Tu te moques de moi ou quoi ? Son petit air coupable est aussitôt démenti par son regard coquin. Non, non, je t'assure. Tu dormais si profondément que ni moi ni Gabriel n'arrivions à te réveiller. On avait beau te parler, te secouer, rien. C'est alors que dans une espèce de flash, j'ai vu un vieux monsieur touchant ton front avec son doigt et te plongeant dans un sommeil cataleptique. Tandis qu'à son côté, une femme très belle, demi-nue, nous faisait signe de te laisser dormir. Je suppose que c'était Morphée, qui, à la demande d'Aphrodite, te maintenait dans le sommeil pour que Gabriel et moi puissions poursuivre notre tête-à-tête. Je dois vraiment avoir l'air idiot. Tu es sérieuse ? L'air mi-rieur, mi-penaud, elle me fait un petit bisou. Tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Il était vraiment impossible de te réveiller. Eh oui, j'ai vraiment eu ce flash. Mais je crois que l'élément déclencheur a été le désir que j'avais de Gabriel. Je me remémore l'état comateux dans lequel j'étais en me réveillant. Et donc, Gabriel et toi ? Le petit sourire, mi-ange, mi-démon, achève de me réveiller. Nous sommes allés poursuivre notre entretien sur le canapé du salon. Mais j'ai demandé à Gabriel de laisser la porte ouverte. Je voulais absolument te voir. Je ferme un instant les yeux pour visualiser la scène. La double porte de la chambre ouverte, Nat et Gabriel sur ce canapé si opportunément placé, et moi dormant comme un loir, tandis que... Le final de la scène est si intense que là je suis complètement, totalement réveillé. Je tends les bras et Nat vient s'y blottir. Je caresse son visage, ses cheveux. Le hasard a bien fait les choses. Impossible de me réveiller. 2. Le canapé du salon placé juste en face de la porte. 3. Je ne me réveille toujours pas pendant votre tête-à-tête. Son petit air coquin s'estompe, remplacé graduellement par une expression d'une grande sérénité. Tu sais bien, John, que comme tous les scientifiques, je ne crois pas au hasard. J'ai eu le temps d'y repenser et je suis certaine que pour consolider sa guérison, Gabriel avait besoin de son moment rien qu'à lui. Il avait besoin de ce tête-à-tête pour tourner définitivement à la page de son cauchemar. Je sais que tu aurais été d'accord avec ça, si tu avais été réveillé, et que tu te serais arrangé pour nous laisser seuls. Elle prend un air attendri. Tu sais, je suis tellement heureuse. J'avais quand même très peur de faire une grosse bêtise qui nous abîme et l'abîme davantage. Mais c'était si beau et si bon. J'ai fait l'amour avec l'homme que j'aime passionnément et avec un garçon adorable pour lequel j'éprouve une immense tendresse. Tout a été un véritable enchantement. Je suis bien dans mon corps et je suis bien dans mon cœur. C'était une nuit magique. Je voudrais tant que tu ressentes la même chose que moi. Je t'aime tellement, si fort. La réponse me vient du fond du cœur. Sois sûr qu'il n'existe personne qui t'aime comme je t'aime et qui ressente les mêmes choses que toi. Je la prends dans mes bras et roule vers elle sur les draps. Je la chatouille au creux des côtes. Elle se tortille comme un ver, riant comme une petite folle. Malgré sa nuit presque blanche, elle n'a jamais été si belle. Je l'immobilise sous moi. À moins que tu ne considères cela comme un secret entre lui et toi. Peut-être peux-tu me dire si vous avez passé tout ce temps à... Je ne m'attendais pas à cette réponse. Oh non, ce n'est pas un secret. On ne l'a fait qu'une fois, 10 minutes. Un tout petit peu plus, quand même. Elle fronce les sourcils et plisse le nez, signe d'une intense réflexion, mais ses yeux sont pleins de malice. Oui, à la réflexion, c'était vraiment beaucoup plus. Son endurance est surprenante parce que, pour lui, c'était quand même la 4e fois. On a joué ensemble. Alors j'ai fait un peu de café. Lui s'est rhabillé. Moi, j'ai juste mis mon peignoir et on a surtout parlé. Parlé ? Ah bon ? Et de quoi ? Elle plisse son nez. Vous êtes bien curieux, monsieur Rain. Un temps, puis... On a parlé de toi. De moi. Oui, il voulait mieux te connaître. Je suis un peu surpris. Mieux me connaître. Son index s'appuie sur le bout de mon nez. Oui, tu l'as vraiment beaucoup impressionné, comme tu impressionnes sans doute tous ceux qui font ta connaissance. Il s'empressait d'ajouter que ta dureté apparente masquait une douceur et une tendresse comme il n'en avait jamais rencontré chez un homme. Je lui dis que c'était ce qui m'avait fait craquer et tomber amoureuse alors que je ne recherchais qu'une liaison tranquille. C'est là qu'il m'a demandé que je lui parle de toi. Nous roulons à nouveau sur le lit et elle bascule sur moi. Je lui caresse le dos, l'endroit précis où se trouvent les mêmes fossettes que celles de ses joues. Mais, te connaissant, votre petit entretien a dû être assez bruyant. Malgré les manigances de Morphée et d'Aphrodite, j'aurais dû me réveiller. Étais-je exténué à ce point ? Elle rit et m'embrasse longuement avant de répondre. En tout cas, tu avais des raisons de l'être. Et pouvoir te regarder dormir pendant que Gabriel me... Enfin, pendant qu'il... Bref, c'était très excitant, en même temps qu'un vrai bonheur. J'accentue ma caresse et descends bien plus bas que les fossettes. Je me demande où tu vas chercher cette énergie. Pour ma part, j'avais l'impression d'émerger d'une anesthésie lorsque je me suis éveillé. Elle rit. Tu sais, je ne valais guère mieux, mais c'était quand même délicieux. Je crois que seul Gabriel était en pleine forme, et juste avant de partir, il aurait bien recommencé si je n'avais demandé grâce. Elle ferma à demi les yeux. Cette nuit, il y eut des moments où j'étais dans un état second. J'entendais ta voix, celle de Gabriel comme au travers d'une couche de ouate, puis les sensations revenaient très fortes. C'était étrange. J'étais comme un apesanteur, mais paradoxalement, j'avais l'impression que mes sensations étaient décuplées. Je crois me souvenir avoir été bruyante. Je ne peux que confirmer. Et c'est un euphémisme. Ses yeux pétillent toujours autant, mais la malice a laissé place à l'amour. Il y a tant de tendresse dans ce regard. Le souvenir de nos exploits nocturnes a sûrement une conséquence immédiate. Elle en a l'air ravie et me serre très fort, tout contre elle. Je n'ai pas besoin de demander le passage pour franchir un seuil où il est évident qu'il a encore plu en abondance, et tout récemment. Nous restons presque immobiles, les yeux dans les yeux, et laissons la vague nous emporter. Longtemps après, je lui demande « Tu ne regrettes rien ?» Son sourire vaut réponse, mais elle rajoute « Vraiment rien ?» Je me sens pleinement heureuse d'avoir pu te montrer tout cela de moi, et d'avoir rendu le goût de vivre à un homme magnifique. Elle précise, jouant la timide « Enfin, dans tout ça, c'est moi la princesse qui était câlinée par deux hommes merveilleux. » Elle se lève, splendide dans sa nudité, sa crinière d'or accroche le soleil qui filtre entre les rideaux. « Sais-tu qu'il est plus de 11 heures et que Gabriel sera là dans quelques instants ?»« Je ne voudrais pas qu'il nous trouve encore au lit. Il est tout juste convalescent et doute peut-être encore de lui. Je me sentirai obligé de le rassurer, et je n'en ai plus la force. » Elle éclate de rire. « J'ai surtout une faim de loup. » Elle me tend la main. « Allez debout, monsieur Rin, à la douche. » Me levant trop vite, j'ai comme un vertige et titube un peu. Je la rassure. « Ce n'est rien. J'ai juste les jambes en coton. » Elle m'entraîne vers la douche. « Allez, viens. C'est moi qui ferai le petit déjeuner. Dans une heure, le ventre plein, tu auras retrouvé toute ton énergie. » Elle plisse le nez et les yeux, l'air moqueur. Cherche-t-elle à m'inquiéter ou est-ce un défi lorsqu'elle me dit « Tu as intérêt à manger double ration. La journée n'est pas finie. La mer et le soleil nous attendent. » Plus tard, rassasiés de pancakes, œufs brouillés et autres calories réparatrices, nous émigrons vers le canapé de la terrasse pour digérer. J'ai passé un short et un t-shirt alors que Nathalie est restée dans le peignoir de satin bleu avec lequel elle est sortie de la douche. L'étoffe moule son corps parfait. Elle est totalement nue en dessous et l'effet est saisissant. D'autant plus saisissant que le satin a une fâcheuse tendance à glisser sur la peau, en particulier lorsqu'elle croise les jambes. On entend une voiture se garer derrière le chalet. Je me lève pour accueillir l'arrivant et ne résiste pas à la provoquer. « Tu as choisi cette tenue pour inciter Gabriel à rester ?» La sandale qui m'était destinée rate de peu Gabriel qui passe le coin de la terrasse. Il sourit. « Je peux revenir plus tard. » Je lui tends la main et lui donne l'accolade. « Non, non, restez. C'est sa façon à elle de nous dire qu'elle nous aime. » Nathalie me bouscule gentiment et nouant ses bras autour du cou de Gabriel, lui donne un tendre et long baiser, puis, toujours plaquée contre notre amie, elle se tourne vers moi avec un faux air furieux. « Gabriel, dites-lui que je vais l'étrangler !» Interpellée, la prend par la taille et s'écarte doucement du corps tentateur. « Ne serait-ce pas vous qui l'avez provoqué ? À votre place, je serai plus prudente. On ne sait jamais. » Il ne faut pas oublier qu'il vit dans le bouche une bonne moitié de l'année. Nathalie essaye son air sévère, mais la fraction de seconde d'après éclate de rire. Elle nous prend tous deux par la main. « Allez, venez les garçons. un dernier café avant que Gabriel ne retourne à la civilisation. Elle est si heureuse et sa joie si contagieuse que, la prenant chacun par la taille, nous la guidons vers la table où tout a commencé. Comme la veille, je prépare le café et lorsque je reviens, Nathalie et Gabriel sont en grande conversation. Je pose le plateau sur la table. Nathalie a un peu le rose aux joues. Elle devine mon regard et avant même que je n'ai posé la question, me donne l'explication. Gabriel me remercia de la tendresse et du plaisir que nous lui avons donné. Le sourire de Gabriel est désarmant. N'importe qui à sa place serait à tout le moins troublé. Peut-être même gêné, une fois l'excitation retombée. Lui est heureux d'avoir retrouvé le chemin de l'amour. Il le dit et il le montre. Il est heureux et nous est reconnaissant, car il avait froid à l'âme, et nous l'avons accueilli, l'avons réchauffé de notre tendresse, de notre amour. Aujourd'hui, il peut songer à cicatriser et à commencer sa quête d'une vraie vie auprès de quelqu'un à aimer. Nathalie perçoit très bien ce qu'il ressent. « Mon petit doigt me dit que vous allez bientôt rencontrer la femme de votre vie. C'est là qui vous donnerait votre cœur. Vous êtes très beau, Gabriel. » Et vous avez une âme aussi belle que votre corps. Avec des yeux comme les vôtres, vous pourriez voir chaque soir une jolie fille dans votre lit. Mais vous êtes comme John et moi. Sans amour ou sans tendresse, le sexe n'a aucun sens. Et c'est parce que cette nuit, nous avons échangé infiniment d'amour que nous avons eu infiniment de plaisir. Elle rit. Enfin. Un peu plus pour moi peut-être. Parce que c'était bien moi la princesse dont deux vaillants chevaliers se sont appliqués à satisfaire les moindres désirs. Gabriel s'élevait pour prendre congé. Elle passe ses bras autour de son cou et l'embrasse longuement avec une infinie douceur. « Au revoir, Gabriel. Vous m'avez vraiment comblé. Vous êtes un homme magnifique et un merveilleux amant. Ne laissez plus aucune femme, ni personne d'autre d'ailleurs, vous dire le contraire, jamais. » Nous le raccompagnons jusqu'à sa voiture. Sa petite moue triste et ses yeux humides le trahissent. Il est visiblement très ému lorsqu'il me serre dans ses bras. « C'est promis. » Je vous écrirai pour vous donner de mes nouvelles. Nous restons là, tous les deux, la main dans la main, à regarder la voiture s'éloigner, un pincement au cœur. Après que Gabriel a disparu, Nathalie se tourne vers moi, une larme au coin de l'œil qu'elle feint d'ignorer. Elle m'embrasse. Que dirais-tu d'une heure de plage avec une bonne sieste? Je dirais qu'il n'y a pas meilleure idée. Nous trouvons un creux de dune à l'ombre d'un bouquet de cocotiers, l'endroit idéal pour lézarder et récupérer de notre nuit agitée. Il n'y a pas âme qui vive, mais avis que nous allons rester là un peu plus que l'heure prévue. J'ai étalé les deux nattes que Nathalie a dénichées dans le chalet. Sans la moindre hésitation, elle se débarrasse de son pareo et de son maillot pour s'étendre sur la serviette qu'elle vient de poser sur sa natte. Je suis surpris. Je croyais qu'aux États-Unis, la bronzette intégrale et même le topless n'étaient pas autorisés et sévèrement sanctionnés. Elle se soulève sur les coudes. C'est le cas. Mais nous sommes au bout du monde et je n'imagine pas une patrouille de police ici. Elle prend cet air malicieux qui lui va si bien. Allez, ne me fais pas languir. Enlève cet affreux short et viens près de moi. Je ne la fais pas languir. T-shirt et short ne sont bientôt plus qu'un petit tas à côté de ses vêtements. Eh bien voilà, tu ne te sens pas mieux maintenant? Je me sens tellement mieux que je suis illico, contrainte de me mettre à plat ventre sur la serviette. Son sourire est ravageur. Elle me caresse la joue, se penche et me fait un bisou très doux. Merci pour le compliment. Il me faut bien 2 secondes avant de comprendre de quel compliment elle peut bien vouloir parler. Je suis un peu embarrassé. Je n'y suis pas pour grand-chose. C'est totalement incontrôlable et incontrôlé. C'est quelque chose que les messieurs ne maîtrisent pas. Elle appuie son index sur le bout de mon nez. Incontrôlable ou pas, après la nuit agitée que nous venons d'avoir, c'est un très beau compliment que tu me fais là. J'essaie de plaisanter. Il y a toutes les fois où tu ne le vois pas. Elle a un petit sourire en coin aussi doux que coquin, mais sa réponse est on ne peut plus sérieuse. Tu sais bien que même si je ne le vois pas, je le sais. Je t'aime tellement, John. Même quand tu es loin, j'ai la sensation qu'un lien invisible nous unit et que je ressens tout ce que tu vis. Les mots sont si forts que j'en ai la gorge nouée. Je sens l'émotion qui me monte aux yeux. Elle rajoute. Cette nuit, sur la terrasse, lorsque Gabriel m'a prise la première fois, j'ai ressenti toutes tes émotions. Tes yeux me disaient combien tu me trouvais belle et combien tu m'aimais. J'avais l'impression que mon cœur fondait. sans que j'aie à te parler, au seul fait de te tenir la main, tu savais que je te sentais comme si tu étais en moi. Notre fusion était si accomplie que l'espace d'une seconde à la fin, lorsque j'ai joui, j'ai vu comme une sorte de flash et j'ai cru perdre connaissance. Je caresse ses lèvres du bout de mes doigts. Gabriel m'a dit toute son émotion, pour ce que cet instant avait d'exceptionnel. J'espère que cette nuit a effacé à jamais son traumatisme. Elle m'embrasse. Il me l'a dit ce matin, avant de partir, et là, si tu avais été avec nous, je vous aurais pris tous les deux en moi, comme en cette nuit, et je suis sûr que la magie aurait recommencé. Elle se serre contre moi, niche sa tête au creux de mon épaule, et je l'entends murmurer comme si elle craignait que tout ne disparaisse. Mon Dieu, j'ai si peur que tout s'arrête. Seigneur, protégez-nous. Je la sens qui tremble. Je caresse doucement ses cheveux. Elle a les yeux humides lorsqu'elle me prend la main. John, je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire pour mériter un homme comme toi. Nous sommes ensemble depuis un mois et demi à peine que déjà nos âmes ont fusionné au plus intime. Pourquoi nous? Pourquoi si vite et si fort? Nous ne devions rester qu'une heure sur la plage, peut-être deux. Le temps nous a paru si court dans les bras l'un de l'autre, à ne rien faire d'autre que nous regarder, nous embrasser. Il y a des instants où les mots deviennent inutiles. La fatigue a fini par nous terrasser et nous avons dormi longtemps. C'est la fraîcheur de la nuit qui nous réveille. Nat ne prend même pas la peine de se rhabiller pour rentrer au chalet. Il est vrai que le trajet est bien court et que la nuit est notre complice. Le paréo ne retrouve sa fonction de protège-vertu qu'une fois sur la terrasse. À peine a-t-elle dissimulé sa nudité qu'elle est dans mes bras. Les siens sont autour de mon cou, les miens autour de sa taille, et ses lèvres si douces me disent tout l'amour qu'elle a dans le cœur. J'ai droit à une petite tape sur les fesses. « Allez, file à la douche. J'ai affaire, je ne peux pas t'avoir dans les pattes. » Les mots pourraient laisser croire un subit changement d'humeur. Le ton et surtout le sourire le demandent. Cramponné à ma serviette, je m'exécute prestement sans avoir le mauvais goût de demander pourquoi. J'avoue m'attarder dans la salle de bain. Quelque chose me dit qu'il faut que je soigne ma tenue. Chemise blanche, jean, sans oublier les Santiago. Lorsque je reviens sur la terrasse, c'est un moment de magie qui m'accueille. Posée sur le sol, de petites bougies multicolores flottent dans des coupelles et dessinent une couronne de lumière tout autour de la terrasse. La table est recouverte d'une nappe bleue parsemée de pétales de rose, et en ce milieu est posé un chandelier de corail à trois branches. Nos deux couverts sont dressés avec un soin millimétré, et l'espace d'un instant, je cherche le maître d'hôtel auteur de ce petit chef-d'œuvre. De maître d'hôtel, il n'y a point, mais pas davantage de Nathalie. Seule une musique douce et romantique est là pour m'accueillir. Je sens comme un frôlement derrière moi. Ne te retourne pas. Tu as une bouteille de champagne à ta gauche. Essaie de ne pas la vider avant que je ne revienne. J'en ai pour 20 minutes. Détends-toi et pense à plein de choses agréables. Juste le temps que j'essaie de me faire belle. Tu étais déjà magnifique quand je suis parti. Comment serait-il possible que tu le sois davantage? Pas de réponse à mon compliment. Nathalie? Je me retourne. Je suis seul sur la terrasse. À quoi qu'un fantôme m'a parlé? Si c'est le cas, il a parfaitement imité sa voix. Je m'approche de la table basse. La bouteille de champagne est là avec deux flûtes et un assortiment de bretzel. Les deux enceintes empruntées au séjour sont disposées près du canapé et diffusent une chanson d'amour. Je crois qu'elle a soigneusement choisi la bande, car à l'instant où je m'assieds, la voix de la chanteuse murmure « I don't fall in love without you. » « Je ne tombe pas amoureux sans toi. » C'est comme si la cassette était synchronisée sur mes pensées, et même si je suis très attentif à chacun de mes gestes, lorsque je débouche la bouteille et remplis ma flûte de bulles dorées, je ne suis plus tout à fait là, perdu dans un rêve où seul existe le sourire et les yeux de Nathalie. Une gorgée de champagne, une deuxième, les bulles, la musique, je réalise que je suis debout au milieu de la terrasse et que je danse seul, mon verre à la main. C'est comme si je flottais à quelques centimètres du plancher. Je ne pèse plus rien. Je me sens si léger, aérien. Je ne suis pourtant pas ivre. Le niveau de mon verre me le confirme. Peut-être ai-je tout simplement laissé derrière moi les pesanteurs de mon autre vie. Il n'y a même pas 2 mois que je connais Nathalie, et le moins que l'on puisse dire est qu'elle a changé ma vie. En fait, c'est moi qu'elle a changé. Je ne sais plus où et à quel moment j'ai abandonné la carapace censée me protéger. mais qui m'empêchait de vivre tant elle était lourde à porter. Je ne sais plus où. Si, rue d'Onou, quand, à la seconde où mon regard a croisé le sien. J'avais abandonné ma carapace, mais pas complètement. Il en restait quelques écailles. Elles sont tombées cette nuit. Cette nuit, Nathalie s'est donnée à moi comme seul l'amour peut le permettre, totalement. Ses yeux et son corps m'ont dit « Plus rien ne me protège. Tu es le seul à me voir ainsi, totalement offerte, abandonnée. Je t'ouvre les portes de mon âme pour que tu m'y rejoignes et que tu vois tout de moi, chaque recoin, jusqu'au plus intime. Sois doux, n'abîme rien, regarde-moi faire l'amour et aime-moi. » Doucement, je tourne au rythme de la musique portée par le souvenir des gémissements et du regard de Nathalie alors que je lui tenais la main. Je viens de heurter un fauteuil. J'ouvre les yeux. Nathalie est là, devant moi, si belle. Puis-je me joindre à toi? Elle est habillée tout simplement. Une petite robe de coton blanc boutonnée devant et aux pieds des sandales de même couleur. Elle vient vers moi de sa démarche enfin retrouvée, souple, aérienne. À son doigt, la pierre de soleil scintille accrochant et amplifiant la lumière dorée des bougies. La crinière blonde de sa chevelure fait un écrin à un visage où deux diamants bleus me disent que jamais elle n'a aimé comme elle-même. Mon Dieu, qu'elle est belle, si simplement belle, que le bonheur me tord le ventre. Comme je suis loin de toutes ces années perdues. Nous nous asseyons sur le canapé à la place même où hier soir, presque à la même heure, elle s'abandonnait à l'étreinte de Gabriel. J'ouvre les bras. Elle vient contre moi, niche sa tête au creux de mon épaule. Chaque centimètre de son corps s'appuie contre le mien. Je ne crois pas qu'elle ait mis un quelconque parfum. Celui qui monte vers moi est la plus douce odeur de son corps, de ce corps dont je voudrais que chaque cellule se fonde mienne. Dans mon cou, le souffle et le murmure de sa voix. Je t'aime si fort que je voudrais crier. Elle me tend son verre. J'ai très soif, tu sais. Je la serre et nous trinquons. Léger tintement des verres. Je ne sais pourquoi, tout me paraît musique. Je lui dis, précisant. Crois-moi, je n'ai rien fumé en t'attendant. Elle rit, boit une gorgée. Je crois qu'en France, vous avez une expression qui m'avait toujours paru excessive, jusqu'à ce que tu me prennes dans tes bras. Ne dites-vous pas, ivre de bonheur. Je prends sa bouche. Sa joue est douce sous mes doigts. Un instant plus tard, je lui dis tendrement. Le bonheur a vraiment un goût. Étrange que ce soit aussi une expression, le goût du bonheur. Elle pose délicatement son verre sur la table basse, en fait autant avec le mien, et juste avant de reprendre mes lèvres, je voudrais regoûter au bonheur. Ce baiser-là dure longtemps, très longtemps. Je crois bien que c'est elle qui reprend le contrôle. À propos de goût, un dîner nous attend. Elle se lève, vive, légère, et me tend la main. Je t'ai préparé une surprise. J'espère que ça te plaira. Alors que je m'apprête à avancer sa chaise, elle me fait asseoir d'autorité. « Non, assieds-toi. Ce soir, c'est moi qui fais le service. Ne bouge pas, j'arrive. » Le temps que je me relève pour récupérer le champagne sur la table basse, elle est déjà de retour. Nous nous retrouvons face à face, notre plateau à la main, chacun dépose le sien et s'assied. Lorsque je détaille sa surprise, j'en reste ébahi. Deux immenses assiettes de présentation contenant chacune une coupelle de caviar, des toasts, une assiette de saumon finement tranché, des blinis et un ramequin de crème aux fines herbes. Au centre du plateau, un service à vodka avec sa carafe en forme de boule encastrée dans une coupe de glace carbonique. « Tu as fait ton marché au Goum ?» Le centre commercial de la Place Rouge, à Moscou. Ma réflexion l'a fait sourire. « Non, mais tout vient quand même de Moscou. J'espère que tu aimes le caviar et la vodka. » Je prends sa main, y dépose un baiser. « C'est somptueux. Mais es-tu sûr que nous allons pouvoir retrouver la chambre avec un tel mélange ?» Elle nous verse deux verres et me tend le mien. « On n'est pas obligé de tout boire. Quoique la réflexion, ce serait dommage d'en laisser. L'essentiel est de prendre son temps. Nous trinquons. « Nazdravia. » L'accent est si parfait que je m'en étonne. « Ah, parce que tu parles aussi le russe. » « Ne serais-tu pas une espionne du KGB infiltrée dans l'ambassade des États-Unis ?» Elle vide son verre cul sec. Je m'attends à ce qu'elle le jette par-dessus son épaule. Non, elle repose tranquillement sur la table pendant que j'essaie de rester à la hauteur en l'imitant. Raté. Je ne parle pas le russe sauf quelques mots. Pour l'accent, je le dois plus à mon oreille musicale qu'à mon appartenance au KGB. La vodka fraîche coule comme de l'eau dans ma gorge. Mais à l'arrivée, c'est comme si je l'avais avalée brûlante. Je dois faire une tiède pour le moins comique, Nathalie me rassure. Le deuxième verre passera mieux quand nous aurons mangé quelques toasts de caviar. Je réserve le champagne pour le saumon. Plus tard, le canapé nous retrouve repu et légèrement gris, blottis l'un contre l'autre. Nathalie a éteint la lumière et la pénombre nous enveloppe. Je tends le bras tout droit vers le ciel. Cassiopée est toujours là. Elle ne répond pas tout de suite, puis, bouton par bouton, dégrafe lentement sa robe. Les Gémeaux aussi. Et si tu regardes plus bas, tu devrais apercevoir le triangle. Les uns et l'autre ont été très sollicités cette nuit. Elle m'embrasse tandis que lentement, tendrement, je caresse les Gémeaux puis descends vers le triangle. Rien d'autre que la douceur de son baiser, celle de ses seins, du duvet de son ventre. Un moment de pure tendresse. Elle me souffle. John, peut-être pourrais-tu m'aider. T'aider à quoi? À comprendre pourquoi hier soir, au mépris de cette morale à fabriquer des névrosés, nous avons aimé Gabriel. Et puis il y a aussi cette voix en moi qui me dit que tout est bien. Je passe mes doigts dans ses cheveux. Tu me l'as souvent dit, Nat. Il y a des choses que l'esprit humain ne pourra jamais mettre en équation. Elle m'embrasse, se blottit contre moi. Je suis heureuse. Tu as raison. Hier soir, le Seigneur nous tenait tous les trois dans sa main. Quand je jouissais de vous deux, c'était comme un chant céleste, un chant sacré. Son émotion est palpable. Une larme roule sur sa joue, et un instant fugace, la perle d'eau me renvoie la lumière des étoiles. Je t'aime, John. Je t'aime, Nat.